d'Ouimane. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite la charpente. Le ministère de l'Intérieur a organisé ce mercredi une campagne nationale de mobilisation de la population n'ayant pas de compte en banque à se faire enregistrer ce jeudi au bureau des zones. Et la présidence de la République annonce qu'à partir du 18 juin, une évaluation de l'application des récentes mesures liées au retrait de la circulation des billets de 5 000 et 10 000 francs burundais sera faite. Les contrevenants s'exposent à des sanctions, prévient le chef de l'État. Ces mesures ne manquent pas de causer des ennuis à certaines gens. Nous retrouverons nos correspondants de Makamba et Kayanza. Et la nouvelle politique nationale de logement préconise la construction de 33 000 logements chaque année. Les précisions, c'est dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La présidence de la République du Burundi annonce pour le 18 juin une évaluation de l'application des récentes mesures liées au retrait de la circulation des billets de 5 000 et 10 000 francs burundais datant de 2018 et qui ont été remplacés par ceux frappés en novembre 2022. Dans un communiqué rendu public par le bureau chargé de l'information, de la communication et du porte-parole là au cabinet du président de la République, l'on précise que les banques et les institutions de microfinance qui ne s'y conformeront pas se verront infliger des sanctions, aussi bien contre elles que contre les responsables de façon individuelle. Ce communiqué précise encore que les montants dépassant les plafonds à déposer en banque dans les délais indiqués seront propriété du Trésor public. Et sur terrain, la vie quotidienne, comme les activités commerciales, sont perturbées au chef-lieu de la province Makamba à cause justement du manque d'argent à utiliser, un manque consécutif au retrait de la circulation des billets de 5 de 10 000 francs burundais. Seule la banque Obou sert les nouveaux billets à ses clients. Élise Kwizera. Ces habitants du chef-lieu de la province Makamba disent que l'indisponibilité des nouveaux billets de 10 et de 5 000 leur perturbe la vie, indiquent qu'ils ont des problèmes de se faire soigner, payer le Minerval pour leurs enfants, pour n'est-ce que cela. Ils disent qu'ils ont déjà versé les billets de 10 et de 5 000 en train d'être changés sur les comptes, puisqu'ils espéraient avoir les nouveaux billets dans l'immédiat. De l'autre côté, les commerçants consultés au marché de Makamba nous ont révélé qu'ils ne travaillent pas comme d'habitude, puisqu'ils ne trouvent pas facilement d'échange. D'où comme nous l'avons constaté à ce marché, certains de ces commerçants s'informent à l'avance du coût des marchandises dont les clients ont besoin pour faciliter l'échange de monnaie, car la plupart des clients leur donnent surtout les billets de 10 et de 5 000 dont l'usage va prendre effet ce 17 juin, selon la décision de la Banque de la République du Burundi. Au moment où le matin de ce mercredi, sur trois banques ou microfinances visitées par la radio Isanganiro, à l'instar de la BCB, la Banque Obu et la COPEC, celle à la Banque Obu était disponible les nouveaux billets et les clients pouvaient retirer au plus le montant de 100 000 francs burundais et à la BCB le montant de 50 000 au cas où à la COPEC il n'y avait ni les petits billets de 1000 ou de 2000 francs burundais et les clients pouvaient retirer de l'argent une fois qu'il y ait des versements de ces petits billets. Les habitants demandent à l'État burundais de disponibiliser ces nouveaux billets et avoir droit de retirer autant d'argent en fonction de leurs besoins. Depuis Makamba, Élise Kwizera, Radio Isanganiro. Et au marché de Kayanza, ce sont surtout les petites coupures de 500 000 francs et 2 000 francs qui manquent en cas de remise aux clients. Les commerçants demandent aux instances habilitées de disponibiliser les nouveaux billets de 5 et 10 000 francs pour faciliter la circulation de la monnaie. Patrick Sengayomb. Lors de notre passage au marché de Kayanza ce mercredi, nous avons constaté que le mouvement des acheteurs a diminué comparativement ces derniers jours. Certains des acheteurs contactés nous ont indiqué d'ailleurs que ces jours-ci, ils trouvaient du mal à s'approvisionner en marchandises, car des vendeurs leur disent qu'ils n'ont pas des billets d'échange. Interrogés à ce sujet, certains des commerçants au marché de Kayanza, ils nous ont fait savoir que ces jours-ci, ils travaillent à perte à cause du manque des billets de 500 francs, 1000 francs et 2000 francs en circulation. Des vendeurs des produits vivriers comme la banane et la pomme de terre ont affirmé qu'ils s'approvisionnent dans d'autres communes autres que Kayanza et que les propriétaires de ces produits n'acceptaient pas d'être payés en anciens billets de 5 000 et 10 000 francs. Consécutivement à cette situation, indiquaient les mêmes vendeurs, il s'observe une carence de ces produits au marché, d'où la flambée des prix où dans une période de 2 mois et d'une semaine par exemple, le prix d'un kilo de pommes de terre a monté de 100 francs à 300 francs selon la variété. Les vendeurs tout comme les acheteurs tous craignent le pur si rien n'est fait dans les meilleurs délais pour mettre à la disponibilité de la population les nouveaux billets de 5 000 et 10 000 francs. Sylvestre Ndouimana, connu sous le sobriquet de Pongo et qui est représentant des commerçants à Kayanza, confirme le manque de petits billets de 500, 1000 francs et 2000 francs en circulation à Kayanza. Celui-ci s'inquiète que ces billets seraient gardés par des gens ne disposant pas de banque, de compte bancaire et qui cherchent à se débarrasser de ces anciens billets de 5000 et 10000 francs avant la fin de la période impartie à les remise. Sommel Crédit, seule la banque Interbank et BCB a provisionné leurs clients en ces billets de 5000 et 10000 francs aujourd'hui. Depuis Kayanza, Patrick Essengu va pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. Le ministère de l'Intérieur a organisé ce mercredi une campagne nationale de mobilisation de la population détentrice des anciens billets de 5 000 et 10 000 francs burundais datant de 2018, mais n'ayant pas de compte en banque ou microfinance, à se faire enregistrer ce jeudi au bureau des zones de leur ressort. Dans un communiqué sorti ce mercredi, son porte-parole a précisé que cette opération doit être encadrée par l'administration provinciale. Le projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2023-2024, adopté par les élus du peuple lundi, préconise la hausse des taxes sur les plaques d'immatriculation du matériel roulant, le tabac, la téléphonie mobile et d'autres biens de consommation pour combler le déficit budgétaire qui s'élève à plus de 720 milliards de francs burundais. C'est ce qu'a révélé Audace Niyonzima, ministre des Finances, lors des explications données aux députés sur le contenu de ce projet de loi. Le ministre burundais des Finances a précisé que son ministère va se pencher plus sur la conformité fiscale. Il est traduit en français par Moïse Misago. Dans ce budget, il y a beaucoup d'améliorations. On a cherché partout où l'on peut avoir des ressources, comme les taxes sur la fortune, pour que les personnes riches contribuent. On a majoré les taxes sur les plaques d'immatriculation, sur le tabac et sur d'autres produits consommés par les gens nantis, des motos importées, et ce ne sont pas uniquement des motos, mais aussi pour les véhicules importés. On a majoré les taxes car on a estimé que quelqu'un qui achète une moto ou un véhicule a des moyens suffisants pour contribuer dans le trésor public. La taxe sur la téléphonie mobile, dire que c'est trop élevé et qu'elle peut se répercuter sur les usagers, le gouvernement a travaillé avec les techniciens du domaine de la téléphonie mobile, ceux de la RCT et d'autres qui font le contrôle. Ils nous ont montré que cette taxe est prélevée dans d'autres pays et qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Seul le Burundi ne perçoit pas cette taxe. Nous sommes en train de penser comment on peut percevoir beaucoup de taxes sur la téléphonie mobile? Toutes les taxes sont supportées par les consommateurs. Ils ne peuvent pas échapper. On va fournir plus d'efforts sur la conformité fiscale. On doit faire tout pour que chaque contribuable s'acquitte de son devoir fiscal. Si advient la catégorisation, c'est là où on cherche aussi, là où on peut percevoir d'autres taxes, comme sur l'alcool, les liqueurs et les vins. Vous entendrez qu'on a majoré les taxes sur les produits de luxe. On n'a pas oublié cela. C'est pourquoi le budget a augmenté. Un autre secteur auquel on a pensé, c'est le secteur minier. L'État fait tout pour que le code minier soit disponible le plus tôt possible. Le ministre en charge des Finances, Audace Niyonzima. La radio de l'avenir. Le carburant manque encore sur les stations service à mairie de Bujumbura où nos reporters ont constaté de longues files d'attente des conducteurs de véhicules ou motos. Certains d'entre eux affirment qu'ils viennent de passer 3 ou 4 jours sur certaines stations sans être servis parce que les pétroliers n'en ont pas. Il demande au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème. Un reportage d'Audrey Niongere. Il certaine station service comme Kobira située à Mutanga Sud, Libajas Dokigobe, ainsi que la station Moga se trouve à Nyakaviga. Le carburant était introuvable, que ce soit celui de type essence ou mazout. Certains conducteurs de véhicules et motards déplorent qu'ils viennent de passer 3 jours sur une file d'attente. Moi, je viens de passer 3 jours sans travailler, étant à la recherche de ce produit, mais toujours introuvable. Maintenant, nous manquons les versements pour nos patrons et de quoi à nourrir nos familles à cause de cette pénurie de carburant. J'ai cherché le carburant en passant à Kamenge, à Kotevu et jusqu'ici à Mutanga. Ces conducteurs de véhicules et motards s'indignent que la vie est devenue difficile suite à cette pénurie et demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce problème. Nous sommes dans une vie défavorable parce que nous les motards n'avons pas aucun autre métier, donc l'absence du carburant perturbe nos activités. Nous demandons au président de la République de trouver solution à ce problème. La régie de distribution d'eau et d'électricité, régie des eaux, a récemment annoncé qu'elle projette mettre en place un stock stratégique pour faire face à ce défi. Audrey Chiniongere est stagiaire à notre station. La nouvelle politique nationale de logement préconise la construction de 33 000 logements chaque année. Dans une conférence de presse tenue ce mardi, le ministre en charge des infrastructures a indiqué que les pouvoirs publics et acquéreurs sont parmi les acteurs impliqués dans ce programme. S'agissant de la fixation du coût de ces bâtiments, Dieudonné de Koundané informe qu'il dépendra de la valeur monétaire et le prix des matériaux de construction. Un reportage de Jean de Dieu Irakodze. Quel est le modèle qu'on propose? C'est un modèle très simple. Et dans ce modèle, D'après Dieudonné de Koundané, ministre en charge de logements sociaux, il est préconisé de construire 33 000 logements chaque année dans la nouvelle politique nationale de logement rendue publique ce mardi. Il explique que les pouvoirs publics et les institutions de financement font partie des acteurs impliqués dans ce programme. Quel est le modèle qu'on propose? C'est un modèle très simple. Et dans ce modèle, il faut voir les rôles des acteurs qui sont impliqués. Et les acteurs sont au nombre de 5. Il y a l'État, les pouvoirs publics, il y a les acquéreurs, ou les demandeurs de ces maisons, qui constituent un deuxième groupe d'acteurs dans ce programme. Il y a les institutions de financement, les banques, qui vont financer ce programme. On aura des droits et des obligations de chacun. Il y a en quatrième position les sociétés de construction parce qu'il fallait rendre ce produit ou ce service accessible. Donc on va faire appel à des sociétés spécialisées de construction. Il y a en cinquième position les prestataires de services. Concernant le coût de ces bâtiments, il informe qu'il sera fixé compte tenu de la valeur monétaire et le prix des matériaux de construction. Le coût varie justement en fonction des maisons que chaque acquéreur voudra prendre. Le coût dépend de deux paramètres essentiels. C'est d'abord le coût de l'argent, parce que l'argent va coûter. Le taux d'intérêt, ça va être combien? On a déjà commencé les discussions avec certaines banques, à commencer par la Banque centrale. Nous sommes en train de réfléchir sur un mécanisme qui ferait à ce que le coût du financement soit un coût qui soit accessible au moins pour la majorité des demandeurs. Il y a aussi le coût d'acquisition des fournitures et matériaux de construction. Néanmoins, le ministre Dieudonné de Koundané affirme que le prix de référence existe pour chaque catégorie de maison à construire dans ce programme. Parle, rassure-moi. L'empathie cognitive pousse l'individu à percevoir l'autre comme une personne ayant des idées et des émotions malgré les différences. Alexine Daïziguié, psychologue et fondateur de la clinique de l'éducation et de la psychothérapie, fait savoir que la guerre et les périodes électorales réduisent cette empathie. Selon cet expert, si les jeunes comprennent les autres, ils ne font pas objet de manipulation. Il l'a dit à Mireille Cagnac. En période de post-conflit, percevoir ce que l'autre ressent freine la fabrication et la propagation des messages haineux, explique Alexine Daïziguié, psychologue et fondateur de la clinique de l'éducation et de la psychothérapie. L'empathie cognitive, c'est la capacité qu'a l'individu à comprendre, à ressentir et les expériences affectives d'autrui, de se mettre à la place de l'autre, de percevoir ce que l'autre ressent et aussi d'entrer dans la conscience de l'autre pour apprécier et aussi être influencé pour changer votre donc perception de la situation qui était présente. En cas d'absence de l'empathie cognitive dans une communauté, Alexine Deizigie, psychologue, fait savoir qu'il y a manque de tolérance et la manipulation augmente. Vous observez souvent les divorces qui sont en train d'être observés dans des différentes familles. Cela est parmi les conséquences du manque de l'empathie cognitive. C'est-à-dire l'individu n'a pas les capacités de tolérer la femme, sa femme ou son mari. C'est-à-dire quoi? Dans la communauté, il y a manque de tolérance. C'est le principe. Quand il y a manque d'empathie, il y a aussi la conséquence et le manque de tolérance. De plus, la manipulation aussi augmente au niveau communautaire. Comprendre l'autre permet de réduire la haine au niveau des groupes, explique encore une fois Alexine Daïdziguié. L'empathie cognitive permet l'individu d'être dans l'autre, dans la peau de l'autre. Pour prendre par exemple une décision, l'individu peut ressentir la douleur de l'autre ou bien la joie de l'autre pour consolider ou bien pour freiner la prise de décision. Selon cet expert, c'est surtout en période de combat et d'élection que l'empathie cognitive diminue. Je peux vous donner l'exemple des cas de l'empathie qui n'est pas vraiment à un niveau très élevé. Par exemple, en période de combat, chez les militaires et chez les combattants, ou bien les autres, les parties qui sont au front, l'empathie n'est pas vraiment très élevée. Ils ne parviennent pas à comprendre, à digérer, à supporter toute personne qui n'est pas de son côté. Donc c'est très difficile. Il y a des situations dans lesquelles les individus n'ont pas cette empathie à un niveau satisfaisant. Par exemple, les politiciens, pendant la période des élections, les politiciens ou bien les concurrents sur les sièges politiques, les partis politiques ne parviennent pas, donc ils sont à un niveau, l'empathie est à un niveau de très faible. Ce psychologue appelle les confessions religieuses, politiques et familles de dénigrer les messages de haine lancés par les manipulateurs. Mireille Kanyangé avec Alexine Daïziguié, psychologue. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.